Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 5 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Irènes. Ça vient du grec paix émotive. Les Irènes possèdent une grande sensibilité et sont la plupart du temps fortement concernées par la famille et le foyer. Elles sont aussi très actives, dynamiques et indépendantes, soucieuses de prendre leur envol tôt et d'assumer des responsabilités. Éprises d'harmonie et désireuses d'avoir la paix, elles sont prêtes à fournir les efforts nécessaires pour maintenir l'équilibre autour d'elles. Elles sont d'ailleurs rassurantes. Leur air paisible et leur apparence calme, voire phlegmatique, réconfortent et attirent. Pourtant, elles sont excessivement nerveuses, mais compensent par une activité incessante, mais bien orchestrée, car elles ont de bonnes capacités d'organisation. Habituellement diplomates et nuancées, elles peuvent par impulsivité ou émotivité commettre des erreurs. Elles sont emportées, mais pas le moins du monde rancunières, et lorsqu'elles se sont laissées aller à quelques emballements ou à la colère, elles n'auront de cesse qu'elles ne veuillent rétablir la paix si chère à leur cœur. Tout chez elles est lié à la motivation. Quand elles veulent vraiment quelque chose, elles sauront mobiliser courage, volonté et une énergie au-dessus de la moyenne pour arriver au but convoité. En revanche, il peut leur arriver une fois celui-ci atteint de se lasser, de changer ou mieux de vouloir encore progresser. En effet, c'est souvent l'inconnu ou la difficulté qui les attire car elles aiment se dépasser. Ce sont des femmes très scrupuleuses et perfectionnistes qui se donnent des obligations et des contraintes. Mais elles peuvent avoir un comportement déconcertant vis-à-vis de l'ordre qui peut se manifester par des conduites de maniaquerie et de pointillisme pour un domaine spécifique, alors qu'elles seront inorganisées, totalement désordonnées, même dans un autre domaine qu'elles jugeront négligeable. Dicton du jour à la Sainte-Irène, s'il fait beau, il y aura moins de vin que d'eau. Pas de célébration internationale aujourd'hui. Dans les événements qui se sont déroulés un 5 avril, on remonte en 1722 avec la découverte de l'île de Pâques par Jacob Roggeveen. Les îles de Pâques, petit point géographique. Île du Chili, isolée dans le sud-est de l'océan Pacifique, particulièrement connue pour ses statues monumentales, les Moai, et son écriture océanienne unique, le Rongorogo. On va tout de suite marquer une première pause musicale avec ABBA et leur titre Dancing Queen. See you. Ah bah, sur RGM, il est presque 8h37, on fait un point anniversaire. Ils sont nés un 5 avril 1950, naissance d'Agnetha Fältskog, chanteuse suédoise du groupe ABBA. 1955, naissance de Christian Gourcuff, ancien footballeur français, devenu entraîneur, il a fait sa carrière de joueur de 1972 à 91, en jouant au Stade Rennais, à Bernay, à Guingamp, à Rouen, en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, à Lorient, au Mans, au Supra Montréal, à l'US Pont-l'Abbé. Il a été entraîneur à partir de 82, donc il a été entraîneur-joueur hein, à Lorient, Le Mans, Pont-l'Abbé, Lorient, de Stade Rennais, à Al-Ittihad Doha, Lorient de l'équipe d'Algérie, entre 2016 et 2017 de nouveau du Stade Rennais. Depuis 2018, il est l'entraîneur de Al-Gharafa Doha. C'est également l'année de naissance de Charlotte de Turckheim, actrice, réalisatrice, humoriste française, vue dans les Babacool, Ma femme s'appelle Revient, Les Soudoués en vacances dans le rôle de Petroni, Édith et Marcel de Claude Lelouch dans le rôle de Ginou, Les Aristos dans le rôle de la comtesse Solange Poitou, Castilla de la Taupinière, La Croisière, Mince alors dans le rôle de la patronne du salon de coiffure, dans la série télé Madame le Proviseur dans le rôle d'Alice Vandeleur, Clara Scheller, Vive la Colo dans le rôle de Capucine, Candice Renoir, scène de ménage, réalisatrice des films Les Aristos et Mince alors. 1966, naissance de Mike McCready, guitariste américain du groupe Pearl Jam, dont on écoute un extrait de leur titre Just Breathe. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one. Yeah, others, they got none, huh, huh. Stay with me, yeah, let's just breathe. Voilà pour le groupe Pearl Jam. On continue les anniversaires. 1970, naissance de Valérie Bonneton, actrice française, vue dans L'Homme de ma vie, Je vous trouve très beau, Les petits mouchoirs dans le rôle de Véronique Cantara, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans la suite Nous finirons ensemble, qui sortira au mois de mai prochain. On l'a vu également dans le film, alors aux côtés de Danny Boone, hein, le film sur le volcan islandais. Je vais m'épargner de prononcer ce nom qui est tout simplement imprononçable. Il y incarne le rôle de Valérie, veut aussi dans Superchondriac dans le rôle d'Isabelle, La Ch'tite Famille dans le rôle de Louloute, ou encore la série télé Fais pas ci, fais pas ça dans le rôle de Fabienne Lepic. 1973, naissance d'Élodie Boucher, actrice française, vue dans Les Roseaux Sauvages dans le rôle de Maïté Alvarez, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, La Vie rêvée des anges dans le rôle d'Isabelle, César de la meilleure actrice, Brice Denis dans le rôle de Jeanne, Seul Tout, Hibou, Guy dans le rôle d'Anne-Marie Jeune, Pupi dans le rôle d'Alice, la série télé Les Cordiers jugés flics, ou encore quelques épisodes de la série américaine Alias, où elle interprétait le rôle de René Rienne. C'est également l'année de naissance de Vanessa Demouy, mannequin, actrice française, découverte à la télé dans Classe Mannequin dans le rôle de Linda, ensuite toujours à la télévision, on a pu la voir dans la série Centrale Nuit dans le rôle d'Anne Dumont, Navarro, Nos chers voisins, Camping Paradis, Demain nous appartient dans le rôle de Rose Latour, alors on ne la voit plus depuis un petit moment, mais d'après mes informations, bon c'est sur les réseaux sociaux, hein, il n'y a rien de scoop là-dedans, on pourrait bientôt la revoir. On l'a vu au cinéma dans Nos plus belles vacances, Le jeu de la vérité, Chacun sa vie, et au théâtre bien évidemment dans Le jeu de la vérité 1 et 2, Boire, fumer et conduire vite, ou encore L'appel de Londres. C'est aussi l'année de naissance de Pharrell Williams, auteur, compositeur, interprète, rappeur et producteur américain. 1979, naissance d'Imani, chanteuse française connue pour le titre Don't Be So Shy, qu'on écoute tout de suite, enfin en tout cas un petit extrait. Thank you. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my stick, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down. Voilà pour l'extrait d'Imani. Allez, on continue. 1989, naissance de Lily James, actrice anglaise, vue dans La colère des titans dans le rôle de Corinna, Baby Driver dans le rôle de Deborah, Mamma Mia, Here We Go Again dans le rôle de Donna Sheridan Jeune, mais surtout connue pour son rôle de Lady Rose McClaire dans la série télé d'Downton Abbey. 2001, naissance de Tylan Blondeau, mannequin actrice française, la fille de Véronica Loubry, vue dans Belle et Sébastien, l'aventure continue dans le rôle de Gabrielle. En 1976, décédé Howard Hughes, homme de cinéma américain, réalisateur du film Les Anges de l'Enfer, ainsi que Le Banni et producteur des Anges de l'Enfer, Le Banni et de Scarface. En 1994, décédé Kurt Cobain, chanteur américain, meneur du groupe Nirvana. En 2004, décédé GB, dessinateur, rédacteur de Charlie Hebdo. Et en 2008, décédé Charlton Heston, acteur américain, vu dans les années 50 dans Les Dix Commandements, dans le rôle de Moïse. Ensuite, on l'a vu dans Ben-Hur, dans le rôle de Judas Ben-Hur, qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur acteur, vu aussi dans Le Cid, La planète des singes et Le secret de la planète des singes dans le rôle du capitaine George Taylor. Dans les années 70, on l'avait vu dans Les Trois Mousquetaires et on l'appelait Milady dans le rôle de Richelieu. Et plus récemment, on avait pu le voir dans La planète des singes de Tim Burton dans le rôle de Zaius. Allez, tout de suite, on s'écoute Pharrell Williams avec son titre Happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because Pharrell Williams avec le titre Happy sur le 107FM. Il est presque 8h48 avant de parler météo. On va parler du mouvement citoyen qui organise un rassemblement ce soir à Dommartin, les Remiremont à 18h30, place de la mairie. Le mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots, stop aux pesticides. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. Et chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur Internet, en se rendant sur le site nousvoulonsdescoquelicots.org. Allez, on fait un point météo. La météo. Alors, ce matin, il y a pas mal de nuages et de brouillard, même par endroits. Soyez vigilants, il peut être épais. Et sinon, eh bien, pour la suite de la journée, ce sera des éclaircies. Des températures comprises entre 0 et 1 degré ce matin, entre 11 et 13 degrés prévus pour cet après-midi. Samedi sera une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 0 et 1 degré demain matin, entre 15 et 17 degrés prévus pour demain après-midi. Et dimanche sera une journée mitigée, éclaircie et pluie au programme. Des températures comprise entre 5 et 6 degrés le matin et entre 11 et 13 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On va commencer avec le tennis et le tournoi de Monterrey. La qualification hier de Mladenovic en 2-7 face à Arne, 6-0, 6-2. La Française affrontera aujourd'hui Muguruza. On fait un point hockey sur glace. Et alors, on a beaucoup de choses à dire ce matin. Okay. Tout d'abord, honneur aux dames avec le hockey féminin et l'équipe de France qui dispute le mondial depuis hier. Et malheureusement, les Françaises se sont inclinées dans leur premier match face au Japon. 3-0. Faudra se reprendre aujourd'hui contre la République tchèque. Il y aura un match dimanche contre la Suède. Il y a la finale de la Ligue Magnus ce week-end entre Rouen et Grenoble avec le match 5 ce soir à Rouen. Match 6 dimanche à Grenoble. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Du côté de la Détroit, quart de finale aller pour l'EHC. Ça se passe à Poitiers ce samedi avant le match retour. Je vous le rappelle, le samedi 13 à la patinoire de Poissompré. Ça s'annonce chaud bouillant. Et on va parler d'Alexandre Texier, tout jeune joueur de l'équipe de France, 19 ans. Eh bien, il va faire ses premiers matchs en NHL. Il a été appelé par son équipe, des Columbus Blue Jackets, pour les deux derniers matchs de la saison régulière et pour la lutte pour les playoffs. Après une bonne saison en Finlande et 7 matchs très convaincants en AHL, eh bien voilà, le tout jeune Alexandre Texier va disputer ses premiers matchs en NHL. Il sera le troisième Français cette saison à disputer des matchs en NHL après Pierre-Édouard Belmar à Las Vegas et Antoine Roussel au Canada, son équipe canadienne. Voilà pour le hockey sur glace. On parle maintenant football avec du foot féminin et la France qui s'est imposée hier face au Japon. Voilà, on a eu une déconvenue au hockey, mais au foot, c'est passé face au Japon sur le score de 3-1. En Ligue 1, ce soir, Bordeaux reçoit Marseille. Samedi, Lyon recevra Dijon, Amiens, Saint-Etienne, Angers, Rennes, Guingamp, Monaco et Nîmes, Caen. Dimanche, Reims recevra Lille, Toulouse, Nantes, Nice, Montpellier, le Paris Saint-Germain recevra Strasbourg et il y aura également mardi Nîmes face à Rennes. Mais on en reparlera bien évidemment d'ici là. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Clermont et samedi, Metz se déplacera à Auxerre. En National 2, ce soir, Épinal joue à Schiltigheim. En National 3, samedi, Thaon-les-Vosges recevra Bischheim et dimanche, Raon-l'Étape se déplacera à l'Aglo-Troyenne. En basket, en Pro B, samedi, Nancy recevra Lille et en National 3, Mirecourt recevra le club de Herry. Et on va parler handball et de Nicolas Karabatic dont on a appris hier qu'il arrêterait sa carrière en équipe de France après les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, si la France avait bien sûr la chance d'y être. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause avec Nirvana et Smells Like Teen Spirit. We'll be right back. Sur RGM, à presque 8h58, on fait tout de suite un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera Ours et Carottes. À 11h, Mille et une histoire du tatouage avec Alexandre. Midi, vous retrouverez La Bulle de Lia. À 13h30, la rediffusion des Secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aimais, je vous le lis. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 17h30, la rediffusion de Mille et une histoire du tatouage. 21h, Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Suivi à minuit de la rediffusion de La Bulle de Lia. Nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Bonne journée et excellent week-end. Bye bye.